écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Île-de-France. Bouquins, musique, chansons, spectacles, etc. Au programme de ce matin, nous retrouvons les chroniqueurs réguliers de cette émission. Avec Gaëtan Bézieux, ludothécaire, on joue avec sa première chronique de la saison où il présente un choix de jeux de société parmi les nouveautés. Ce sera à 10h40. À 11h, avec Laura Ferrara, bibliothécaire, on lit des livres d'images sélectionnés parmi tous ceux qui remportent les suffrages des jeunes enfants. Ce sera à 11h. Avec Gilles Avis, on chante, ou plutôt on écoute des chansons, celles d'Agnès Chaumier, dont le nouveau CD En Fanfare a paru tout récemment chez Enfance et Musique. Elle est interviewée par Gilles, ce sera à 11h20. Et puis nous commencerons cette émission avec Mathilde Lévesque, future chroniqueuse de cette émission et présidente de l'association AFRELOS, l'association française de recherche sur le livre et objets culturels de l'enfance. Une chercheuse donc, ce sera dans quelques instants. Et puis le chroniqueur le plus régulier de cette émission, Lionel Chenaille, lui, il est en vacances de radio. Nous le retrouvons dans une quinzaine de jours pour de nouvelles lectures. Vous écoutez Aligre FM, nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone 01 40 24 28 28. Et puis le site aligrefm.org à partir duquel vous pourrez dans quelques jours écouter et télécharger cette émission. Et puis sans oublier que vous pouvez écouter cette émission en direct aussi sur le site de la radio aligrefm.org. Même si leurs publications ou manifestations sont rarement destinées au grand public et restent donc peu visibles, les universitaires ou chercheurs qui se penchent sur le monde de l'enfance et plus spécialement les cultures de l'enfance sont de plus en plus divers aujourd'hui, œuvrant dans différentes disciplines, de l'histoire à la sociologie, des sciences de l'éducation à la psychanalyse. Ils s'intéressent aux livres, jouets, jeux, films, chansons, journaux pour enfants d'hier ou d'aujourd'hui. L'AFRELOS, association française de recherche sur les livres et objets culturels de l'enfance, réunit plusieurs de ses chercheurs pour travailler ensemble et confronter leurs points de vue. Et parce que, bien évidemment, toutes ces recherches ont, entre autres, pour objectif de mieux comprendre les enjeux culturels et éducatifs qui sont à l'œuvre aujourd'hui, parce qu'on a rarement l'occasion de les voir ou entendre exposer, discuter, voire controverser, nous souhaitons ouvrir le micro régulièrement à ces chercheurs, ici, dans cette émission, avec Mathilde Lévesque, présidente de l'AFRELOS, chercheur ou chercheuse, je ne sais jamais comment on dit, maître de conférence à Paris 13, avec elle, des universitaires viendront chaque mois présenter l'état de leurs travaux, les résultats ou étapes de leur recherche en cours. Et donc ce matin, premier coup de projecteur sur l'AFRELOS avec Mathilde Lévesque. Mathilde, bonjour. Bonjour Véronique. Alors je dis l'AFRELOS, mais je trouve que c'est un titre pas très très glamour pour une association. Oui, c'est vrai. Alors, c'est bon, un titre comme un autre. Nous avons proposé aux membres de l'association, il y a quelques mois, de changer justement ce nom qui nous semble un petit peu affreux, comme voilà. Mais curieusement, en fait, les chercheurs qui font partie de cette association sont peut-être moins choqués parce qu'ils ont pris l'habitude. Et puis, c'est une association qui existe depuis 2001, bientôt 10 ans, qui commence donc à être un petit peu connue, en tout cas dans le petit monde des universitaires et des chercheurs, et donc pour des raisons de visibilité. Nous avons décidé finalement de ne pas changer cet affreux nom, même si en tant que présidente, je continue à penser qu'il n'est pas très heureux. Donc souvent, je dis plutôt association française, etc. Entre parenthèses, affreux. Bon, finalement, nous à Aligre FM, on a souvent voulu changer de nom et pour les mêmes raisons, on n'a jamais réussi à le faire. Donc finalement, AFRELOS, c'est très bien. Donc l'AFRELOS, ça regroupe des universitaires. Alors, pas uniquement. Au départ, l'idée était de créer une association uniquement composée d'universitaires. Donc, en 2001, sous l'initiative de Michel Manson, Isabelle Nierchevrel, cette association a été créée afin de donner une visibilité à ce domaine, à ce champ de recherche qui est le champ de recherche sur l'enfance, donc pas sur, uniquement sur les livres, mais aussi sur tous les objets culturels de l'enfance, pour lesquels, dans le milieu universitaire, il n'y a pas toujours une reconnaissance. Les enfants, on s'en fiche. Très légitime. On s'en fiche et puis surtout, on trouve que ce n'est pas très sérieux quand on est professeur d'université de travailler sur de tels objets. Mais ça a changé, ça, quand même, non ? Ça a changé, mais ça reste encore présent. Encore maintenant, on peut être encore confronté à ce genre de réaction, même si les choses changent, justement grâce à des gens comme Isabelle Chevrel, par exemple, en littérature de jeunesse, qui a été vraiment quelqu'un qui a énormément compté, qui compte toujours énormément dans la recherche et l'enseignement, puisque la plupart d'entre nous, nous sommes des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que nous faisons de la recherche, mais nous enseignons aussi à l'université la littérature de jeunesse ou l'histoire de l'enfance. Donc souvent, alors c'était amusant parce que justement j'en parlais avec des collègues il y a quelques jours qui travaillent en littérature de jeunesse et souvent une des questions qu'on nous pose c'est « Ah bah alors tu dois écrire des livres pour enfants ou alors tu dois avoir des livres pour enfants chez toi beaucoup ?» Je dis « Oui, nous avons des livres chez nous, c'est assez normal. » Donc bon, il y a toujours un peu un petit sourire en coin, on va dire, hein, voilà. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir cette reconnaissance et donc d'utiliser la forme d'une association puisque nous n'avons pas de laboratoire scientifique, pas institutionnalisé on va dire, dans le milieu universitaire. Donc le mode de l'association était plutôt intéressant pour rassembler les gens. Alors quand on va jeter un petit coup d'œil sur le site de la Frelos, on s'aperçoit que les champs disciplinaires, je ne sais pas si c'est le bon terme, sont très très larges, très nombreux, mmh. Dès qu'on parle de l'enfance, je l'ai dit dans l'introduction. Mmh. Donc là, vous êtes allé les chercher chacun dans leur discipline ou de fait, tout le monde se connaît parce que, alors, justement, mal vu par les autres. Oui, alors, donc c'était déjà dès les fondateurs. Hein, quelqu'un comme Michel Manson, par exemple, travaille sur les livres, mais est avant tout historien. L'idée, c'était justement de ne pas se limiter aux livres, mais d'avoir aussi une réflexion sur tout ce qui va autour du livre et au-delà du livre. Et c'est vrai que... de fil en aiguille, les gens évidemment se connaissent, c'est pas un milieu très très très très étendu, et il était intéressant de les rassembler. Alors pour compléter ce que je disais en fait sur la création de l'association, si au départ c'était des universitaires, récemment, il y a quelques mois en fait, lors de la dernière assemblée générale, nous avons décidé de changer justement les statuts de l'association et d'ouvrir l'association à tous les chercheurs qui ne sont pas forcément universitaires, pas forcément rattachés à un institut de recherche, d'ouvrir donc l'association alors sur des critères tout de même, on va dire, scientifiques, toujours dans l'idée d'être bien identifié par nos pairs qui ne sont pas en littérature ou en culture d'enfance. Mais maintenant, donc, il faut pas être forcément maître de conférence, chercheur au CNRS ou professeur d'université pour adhérer à notre association, mais simplement justifié d'un certain nombre de travaux scientifiques ou de publications sur la culture d'enfance. Alors si on essaie un petit peu de délimiter tous ces champs de recherche, toutes ces disciplines qui vont avec, ça va donc le livre beaucoup. Parce que c'est ce qui a laissé le plus de traces, j'imagine. Alors, le livre, beaucoup. Beaucoup les jouets, également. Beaucoup les jeux vidéo, c'est-à-dire tout ce qui va être autour des formes de la fiction, finalement, dans la culture d'enfance. Mais tout ce qui tourne aussi autour de l'image, qui n'est pas forcément sur un support de livre. Ça concerne également la presse, par exemple, pour enfants, justement. Mais nous avons des chercheurs comme Annie Renoncia, qui est professeure à l'Université Paris 7 et qui s'occupe également du Musée national de l'éducation à Rouen, qui a des champs de recherche extrêmement vastes et qui travaille, entre autres, par exemple, sur la chambre d'enfant, sur les papiers peints qu'on pourrait avoir, le mobilier, hein, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très vaste en termes de champs de recherche, d'objets. Les objets sont très divers et également dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des objets très contemporains, mais aussi remonter à des choses beaucoup plus anciennes, le Moyen-Âge ou l'Antiquité, par exemple. Alors, toutes ces personnes qui travaillent sur les champs de l'enfance, est-ce qu'elles ont toujours travaillé dans ce domaine-là ? Est-ce qu'elles y sont arrivées par des biais divers, j'imagine ? Mais une fois qu'elles ont entamé ces champs de recherche, elles y sont restées et font toute leur carrière de chercheur là-dessus ? Ou c'est juste de passage pour d'autres ? Je dirais que c'est soit une vocation première, soit une orientation. On va avoir des gens qui, dès le départ, se sont intéressés à l'enfance dans leurs recherches. Et puis certains qui y sont venus. Alors je ne sais pas si après le temps nous montrera que c'était simplement un passage, mais je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'ils voient, que ce champ est vaste. Parce que pour un chercheur, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a beaucoup de pans de la recherche qui sont totalement inexplorés ou presque. Donc, par exemple. Alors, par exemple, je vais reciter encore quelqu'un qui viendra, j'espère, à ce micro, qui est Michel Manson, qui travaille, par exemple, sur l'histoire du bonbon. Je pense que ça n'a pas été vraiment... Donc, l'histoire du bonbon depuis... Je ne sais pas. Je laisse le suspense pour sa venue sur le bonbon. Moi, je travaille, par exemple, sur la littérature coloniale pour la jeunesse. Et alors, si les historiens ont bien sûr déjà travaillé sur cette question, les manuels scolaires ont été assez travaillés, mais pour ce qui est de la fiction romanesque, il n'y a pas grand-chose, vraiment, quasiment rien, en tout cas pour la France. Et là, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Je pense aussi à un projet mené et coordonné par Cécile Bouler à l'Université de Tours autour de l'éditeur, imprimeur et éditeur MAM, la Maison de Tours, le grand éditeur catholique, où donc c'est un projet qui reconstitue toute l'histoire éditoriale de cette maison. Qui n'existe plus aujourd'hui. Et non, les archives ont brûlé en 1940 à Tours. Donc voilà, la gageure, c'est celle-ci, c'est de reconstituer l'histoire d'une maison d'édition. Et là encore, le champ est vaste et on ouvre des portes et il y en a 15 qui s'ouvrent d'un seul coup quand on en pousse une. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors donc tous ces chercheurs qui travaillent sur le monde de l'enfance, quel lien ils entretiennent avec ceux qui aujourd'hui réalisent, produisent, médiatisent, entretiennent avec les enfants des activités autour justement des livres, je pense aux éditeurs, aux libraires, aux enseignants, aux bibliothécaires? Alors beaucoup, quand on travaille, bon, je vais parler pour le livre, hein, beaucoup quand même sont en contact avec des éditeurs. On les rencontre par exemple lors de colloques qu'on peut organiser. Nous travaillons beaucoup avec la Bibliothèque nationale de France. Et je dirais que chacun, un peu à son niveau local, est en contact avec son libraire, par exemple, ou avec les bibliothèques. Alors, on travaille en général beaucoup avec les bibliothécaires. Il y a une chercheuse qui s'appelle Bérénice Vatti, qui fait partie de notre association, qui est anthropologue, par exemple, et qui a travaillé sur le rapport des petits, des 3-6 ans, avec le livre, via les bibliothèques, bibliothèques scolaires et bibliothèques municipales. Donc au niveau, je pense, local, nous avons une démarche qui, je pense, est liée forcément à notre pratique du livre, une démarche locale, on va dire, de rencontre avec les médiateurs. Mais je pense également à d'autres chercheurs qui font partie de l'association, mais qui sont aussi qui travaillent aussi avec l'Institut international Charles Perrault, où là, ils sont vraiment très axés sur la formation. Et donc, j'ai appris récemment que certains travaillent, par exemple, sur la formation de médiateurs du livre pour enfants dans les hôpitaux, donc de ce type de projet. Mais ça reste quand même sur des bulles assez spécialisées. Oui, ça reste sur des bulles assez spécialisées parce que ça tient un petit peu à la définition qu'on a voulu donner qui a été donnée à l'association dès le départ, savoir de rester quand même dans un champ scientifique, d'ouvrir le champ universitaire, mais de rester sur quelque chose de scientifique. Donc, nous ne sommes pas un institut de formation, par exemple. Nous restons quand même dans cette dimension scientifique qui nous donne une crédibilité et une assise très importante par rapport à dans notre métier. Et donc, entre autres, on le voit, on le remarque, on constate à la lecture de la revue, du premier numéro qui vient de sortir, de la revue Strenae, je ne sais même pas comment on dit, et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre-là à votre revue, qui est finalement très pointu aussi. Oui, alors c'est une revue qui existe depuis le mois de juin dernier, depuis juin 2010. C'est toute une nouvelle. Revue... Toute nouvelle, oui, et c'est une revue universitaire. C'est-à-dire que nous avons voulu créer l'une des seules revues de niveau universitaire sur la littérature et la culture d'enfance. Et alors, les articles sont évidemment ouverts à tous les contributeurs. Il y a un comité scientifique, un comité de rédaction. C'est extrêmement sérieux. Ça répond à des critères qui sont les critères universitaires donnés par celui qui héberge cette revue, Strenae, qui est revue.org. Donc, revue.org, connu des universitaires comme étant le grand diffuseur des revues universitaires en ligne. Parce que je précise, cette revue est disponible uniquement en ligne, elle n'existe pas en version papier, et elle est totalement libre d'accès, gratuite, voilà, et totalement ouverte. Ça, nous, on y tenait énormément. Donc, on tient notre spécificité, on s'ouvre, mais on s'ouvre, voilà. À tout le monde. On s'ouvre à tout le monde, ça, sans aucun problème. Et alors, on a beaucoup, beaucoup réfléchi pour savoir comment est-ce qu'on allait appeler cette revue. On avait évidemment eu toutes les idées un peu les plus farfelues les unes que les autres. Et puis finalement, justement, on a voulu avoir quelque chose d'un peu sérieux, d'où ce titre en latin, puisque Strenae désigne les étrennes en latin. Et les étrennes, ça nous semblait assez intéressant parce que qui dit étrennes dit cadeau pour l'enfance, aussi bien jouets que livres, que bonbons, etc. Donc ça permettait de rassembler justement tous nos objets qui sont assez divers. Et donc, le premier numéro de cette revue a été consacré à Robert Delpierre, auquel a été consacrée une exposition tout récemment, et qui a été un grand éditeur de livres pour enfants, et entre autres, l'éditeur de Max et les Maxi-Monstres. Oui, oui. Donc c'est Cécile Boulaire et Annie Renoncia qui ont coordonné ce premier numéro autour d'un éditeur, donc deux approches à la fois littéraires et sur l'objet livre lui-même. Je veux bien que vous donniez l'adresse. Trouver donc Strenae, alors, et puis donc les informations sur l'association. Donc pour Strenae, c'est http://strenae, S-T-R-E-N-A-E, revue, avec un S, .org. Voilà. Et le site de l'association, c'est également http, etc. Il n'y a pas les 3 W, c'est surtout ça. Donc le site s'appelle le magasin des enfants, sans le, pardon, hein, magasin des enfants tout attaché, point hypothèse également au pluriel point org. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ce matin, en compagnie de Mathilde Lévesque, présidente de l'association AFRELOS, Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance. C'est long à dire, oui, c'est mais long. C'est précis. Et donc, l'AFRELOS sera donc maintenant régulièrement sur cette antenne avec vous. Mathilde, c'est vous qui animerez ces rencontres. Alors, qui allez-vous nous faire découvrir au fil des émissions ? Eh bien, au fil des émissions, je vais tenter justement de montrer la diversité des champs de recherche et la diversité des objets culturels sur lesquels travaillent les chercheurs de l'AFRELOS. Donc, les interventions seront également liées à éventuellement des manifestations universitaires, mais qui sont en général toujours publiques, je souhaiterais le rappeler, parce que nous travaillons dans le service public, nous avons une mission de service public et elle est très importante. Donc la plupart des colloques, des expositions, des séminaires, des journées d'études qu'organisent non seulement les chercheurs de l'AFRELOS, mais également tous mes collègues universitaires, sont en général libres d'accès, gratuites, ouvertes à tous. Donc en fonction de l'actualité de la recherche dans nos milieux, on viendra nous parler justement de cette maison MAM qui a dominé toute la littérature et l'édition pour la jeunesse, en tout cas en province, mais vraiment en France, au XIXe siècle, et qu'on connaît peut-être un petit peu moins, cette maison MAM à Tours. J'espère qu'on pourra parler également de la presse. Ce que j'aimerais, c'est parler d'objets qui sont peut-être pas très connu, donc un petit peu plus ancien. On parlera sans doute plutôt du 18e, du 19e, d'histoire, hein, mais aussi d'approche littéraire, hein, quand on parlera de travaux sur des livres. Et puis, j'aimerais bien qu'un petit peu avant Noël, on puisse parler de jouets et puis de sucreries, parce que ce serait quand même bien autour de la Saint-Nicolas, peut-être. Alors, j'attends les confirmations des chercheurs concernée, mais la proposition, lorsque vous m'avez donc proposé cette participation de la Frelos à votre émission, les réactions ont été très positives, très rapides, très spontanées de participer à cette chronique. Parce que, est-ce que les chercheurs ont l'occasion, en dehors de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les colloques, les séminaires, en dehors des séances de formation, par exemple avec les bibliothécaires, est-ce que les chercheurs ont l'occasion de parler de leurs travaux, par exemple à la télévision ? Alors, à la télévision, pas à ma connaissance. À la radio, peut-être un petit peu, mais c'est vraiment limité. En revanche, je dirais plus encore une fois au niveau local, c'est-à-dire dans une bibliothèque, par exemple, de venir parler d'une recherche qu'on peut faire quand elle est liée au terrain, par exemple. Alors Mathilde Lévesque, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes donc chercheur enseignant, vous le spécifiez bien. Donc est-ce que les étudiants sont beaucoup à s'intéresser, plus qu'il y a une dizaine d'années, donc avant que la Frelos existe, est-ce qu'ils sont nombreux à s'intéresser à ces domaines-là ? Alors, je pense qu'ils l'ont toujours été, mais que l'offre universitaire n'était peut-être pas toujours là. Nous sommes encore assez peu à être des enseignants-chercheurs, en tout cas en littérature de jeunesse. Là, je vais parler vraiment de mon domaine. Même si c'est un domaine qui s'ouvre justement depuis une dizaine d'années, par exemple en termes de recrutement et de postes au niveau universitaire, il y a des postes maintenant de littérature de jeunesse, d'enseignants-chercheurs en littérature de jeunesse, ce qui n'était pas quasiment pas, enfin qui n'était pas le cas il y a 20 ans par exemple. Il y a 10 ans, il y avait peut-être le premier, voilà, ça commençait vraiment. Maintenant, il y en a. Alors, c'était évidemment lié à la formation des professeurs des écoles, puisque donc la littérature de jeunesse est une, enfin encore peut-être, bon maintenant avec les réformes on ne sait plus trop, mais bon, est une des épreuves du concours de professorat des écoles. Donc ça a beaucoup intéressé les étudiants, mais ça n'est pas la seule motivation. C'est-à-dire que l'aspect didactique, qui est très enseigné dans les IUFM, n'est pas le seul. C'est-à-dire que les étudiants s'aperçoivent que ces champs de recherche sont intéressants, qu'il y a beaucoup à faire, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est que, par exemple, des institutions même très prestigieuses au niveau universitaire, comme l'École normale supérieure, a de plus en plus d'étudiants qui s'y intéressent, que ce soit en histoire ou en littérature. C'est la raison pour laquelle vous tenez un séminaire dans ces locaux de l'ENS ? Exactement. Alors, je suis une ancienne élève de l'École normale supérieure, donc où je suis entrée il y a un certain nombre d'années. Et quand j'ai voulu faire mon doctorat sur la littérature de jeunesse, les réactions ont été diverses. Je vais dire. Certains enseignants m'ont vraiment encouragée, ça je dois le dire. D'autres vraiment m'ont regardé comme si j'étais une imbécile qui retournait jouer dans son bac à sable, à faire des pâtés de sable. Donc je tenais vraiment à organiser ce séminaire qui donc a lieu une fois par mois le samedi matin, qui est également ouvert à tous. Et le programme est sur le site de l'association et donner la parole notamment à des jeunes chercheurs, donc à des doctorants ou des jeunes chercheurs qui viennent juste de soutenir leur thèse, pour leur donner l'occasion de rencontrer des chercheurs plus confirmés et d'exposer leurs travaux. Donc vous, votre spécialité, c'est la traduction ? Au 19e et 20e siècle, et puis un domaine que vous disiez tout à l'heure être pas du tout exploré, c'est-à-dire la littérature non pas coloniale, mais du temps des colonies pour les enfants. Non, c'est la littérature coloniale. La littérature coloniale, alors avec tout le problème de définition que ça suppose, parce que qu'est-ce qu'on entend par littérature coloniale ? Donc littérature produite dans les colonies pour enfants, il y en a très peu, mais surtout littérature qui prend les colonies françaises, pour ce qui est de mon domaine, pour objet, et qui les intègre dans une fiction en lien quasiment toujours avec une idéologie colonialiste. Donc ce sont forcément des livres qui ont été publiés du temps des colonies ? Oui. Et donc pas après ou aussi parce non, que... Non. Alors pour le moment, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que donc c'est une recherche que j'ai commencée il y a peu de temps au niveau de la recherche, c'est-à-dire 2 ans à peu près. J'ai commencé à m'intéresser à l'Algérie en me disant qu'il fallait prendre une colonie un petit peu à part et commencer par là. Donc effectivement, je m'intéresse à des livres plutôt anciens, c'est-à-dire que je me suis demandé à partir de quand se mettons à parler de colonies, à tenir un discours colonial dans une fiction pour enfants. Et j'ai trouvé que les premiers livres remontent à la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire que très vite, dès les années 1830, on va avoir des romans pour enfants qui mettent en scène la conquête de l'Algérie. Donc, je m'intéresse à ces livres-là, ces livres donc, du 19e siècle, du 20e siècle aussi, jusqu'à la décolonisation. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comparer avec les livres qui parlent actuellement des colonies. Alors, il n'y en a pas énormément qui parlent de la colonisation. Dans la fiction pour enfants, il y a quelques albums. Je pense au livre de Didier de Ninx. Mais bon, au niveau du roman, j'en connais très peu. Et le peu que je connais montre que finalement, des structures romanesques du 19e siècle perdurent très curieusement dans la fiction contemporaine. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien que, par exemple, on va trouver dans les années 1840 des histoires d'enfants de colons, par exemple, dont toute la famille a été massacrée par d'affreux barbaresques, d'affreux arabes. L'enfant va être recueilli par les gentilsouaves, etc. Je caricature, mais les caricatures sont très présentes et les stéréotypes également. Eh bien, il y a dans la fiction contemporaine actuelle le même type de récit, évidemment, idéologiquement très différent, mais inversé. Donc, un enfant d'une tribu berbère, par exemple, dont la famille est massacrée par les affreux zouaves et qui va être recueilli par les gentils résistants, qui donc vont être présentés complètement à l'inverse. Donc, évidemment, idéologiquement, c'est très différent, mais dans les structures narratives, curieusement, c'est assez semblable. Alors, est-ce que la production de ces livres au XIXe siècle avait des objectifs idéologiques ou pas du tout ? C'était juste un cadre pour raconter justement ce que vous venez de dire, des aventures à des enfants avec des stéréotypes éducatifs, on va dire. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment séparer les objectifs éducatifs des objectifs idéologiques, surtout si on se place dans un contexte de conquête coloniale qu'il faut justifier au point de vue de l'opinion et dans une idée de la France civilisatrice et humaniste apportant donc les lumières à ces peuples sous-développés, enfin qu'on n'appelle pas sous-développés mais barbares, qui est l'idéologie de la Troisième République notamment. Donc on ne peut pas vraiment séparer les deux, mais il reste que les colonies sont une réalité que les enfants de la métropole ne mesurent peut-être pas vraiment en 1850, 1860 par exemple. Et il est, à mon avis, un des objectifs, c'est aussi de développer un imaginaire qui n'existe pas. Et de créer un imaginaire, d'où ces stéréotypes, mais qui parfois on a des choses assez inattendues. On a aussi des critiques, quelquefois, de la colonisation ou une valorisation de héros. Par exemple, Abdelkader, qui est un héros qui a été récupéré pour être vraiment glorifié par, cette fois-ci, des auteurs français. Donc, éducatif et idéologie se mêlent par essence, si j'ose dire, mais aussi création d'un imaginaire, parfois un peu délirant aussi. Comment vous êtes arrivée à cette recherche ? Alors, comme toujours dans la recherche, c'est un petit peu un labyrinthe et puis des hasards. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur la littérature de jeunesse parce que les livres m'intéressaient et la lecture m'intéressait. Quand je suis entrée en fait à l'école normale supérieure, pour tout vous dire, je ne pouvais plus lire. Voilà, je ne pouvais plus ouvrir un livre normalement sans me dire pourtant, fiche de lecture, notes, citations, apprentissage, etc. Donc j'ai eu un petit peu de mal et pour retrouver le goût de la lecture, je suis passée par des livres pour enfants. Ben, je suis allée à la bibliothèque municipale, j'ai emprunté tous les Roald Dahl que je trouvais, etc. Alors ensuite, je me disais qu'il fallait que j'améliore mon allemand parce que c'était pas terrible. Et j'ai lu des livres en VO, en fait, en allemand, en anglais, et des livres pour enfants, parce que c'était quand même plus amusant, plus divertissant, et le niveau de langue est aussi correct. Hein. Il y a de grands auteurs pour enfants, évidemment, en Allemagne. Et c'est en allant ensuite en Allemagne, à l'université de Hambourg, que j'ai découvert qu'il y avait des universitaires qui travaillaient sur la littérature de jeunesse. Alors, comme je cherchais un sujet de doctorat, je me suis dit, eh bien, allons-y. Donc, j'ai travaillé sur l'entre-deux-guerres, sur les romans pour enfants de l'entre-deux-guerres en France et en Allemagne, et j'ai trouvé quelques livres qui sont justement anticolonialistes. Et à la suite de mon doctorat, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'aller faire un petit tour du côté de cette littérature coloniale, justement, qui précède ces livres anticolonialistes des années 30. Donc c'est une recherche que vous démarrez, même si vous l'avez démarrée depuis quelques années. Oui. Donc c'est une recherche que vous allez creuser pour aller jusqu'où ? Alors, c'est une recherche que... Bon, alors, pour aller jusqu'où, on ne sait jamais. Mais en tout cas, j'aimerais bien, peut-être dans un an à peu près, essayer de publier. Alors, j'ai publié déjà plusieurs articles. Alors là, ça reste encore dans des diffusions qui sont universitaires, donc peut-être pas très, très diffusées. Mais l'idée d'un livre, évidemment, ça peut faire son chemin, puisque là, on est sur d'autres modes de diffusion. Et cette idée m'est venue surtout parce qu'il y a un mois à peu près, j'ai donné une conférence au musée du Quai Branly, organisée par La Joie par les Livres, la BNF, dans le cadre des matinées du patrimoine, donc où j'avais du temps pour parler de cette recherche. Ça m'a donné l'occasion de faire un bilan, et en faisant le bilan, je me suis dit que finalement, ce serait bien de ne pas garder tout ça pour moi et d'en faire profiter les autres, tout simplement. Et donc, ça paraîtra bientôt, soit sous forme de livre, soit peut-être sur le net, finalement. Exactement, oui, ça peut être un livre en ligne aussi. Voilà, la diffusion peut avoir différents supports. Ça peut être les deux également. Et puis peut-être que sur cette antenne, vous nous donnerez l'occasion, dans une des prochaines émissions, d'entrer un peu plus dans les détails de cette recherche. Mais bien donc, volontiers. Mathilde Lévesque, donc on vous retrouve donc tous les mois sur cette antenne. Mm-hmm. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt, le mois prochain. Je veux bien que vous rappeliez l'adresse du site internet. Donc le site internet de l'association Afrolos, c'est http://magasindesenfants.hypothèse.org. Et là, il y a toutes les informations sur l'association et l'actualité de la recherche. Mathilde, merci beaucoup et à bientôt. Merci Véronique.